Le temps file, chers amis. Déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et on commence ça en beauté avec Justin Lacroix, qui, lui, se la coule douce un peu, si on peut ainsi dire, parce qu'il passe l'été aux îles, et oui, ben l'été, le mois de juillet aux îles, Justin Lacroix, avec son band, ben, je ne sais pas si c'est avec son band ou en solo, je crois qu'il est en solo aux îles de la Madeleine. Justin Lacroix, qui est, bon, c'est sa tournée, si on peut ainsi dire, Les Îles à jamais, en spectacle tout au long du mois de juillet aux îles de la Madeleine. Très, très bientôt, là, il sera au Café de la Grave le 19 et 20 juillet. 22 juillet est au parc du site de la Côte, ainsi que le 28 juillet également au Café de la Grave. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ce gars-là et vous êtes aux îles, allez-y, parce que c'est un gars qui fait de l'excellente musique. On va entendre « La vie est belle ». Ben oui, « La vie est belle aux îles », apparemment. Donc, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. Espèce de pièce un peu jazzy blues. Assez intéressant, merci. Donc, Justin Lacroix aux îles de la Madeleine, tout au long du mois de juillet. Par la suite, on va entendre la charmante Suzanne Kennelly, un beau produit que j'ai reçu tout récemment, un petit EP de 5 chansons, 5 originaux qui sont dans le style très jazz. On va entendre un peu comme eux, assez intéressant comme pièce. Mais pour l'instant, voici une belle énoncé de Justin Lacroix, ça s'appelle « La vie est belle ». La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, tu ne peux pas la néantir. La vie est belle, j'y crois à mourir. C'est une foire de petits papillons jaunes qui me l'a dit ce matin, longeant la digue à bon train. Ralentis, c'est dans l'instant qu'on sent la vie, dans ce moment qu'on sent le bon vent. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, tu ne peux pas la néantir. La vie est belle, mais je l'oublie. Maintes, maintes fois, je rétrécis. Jamais le respire ne me trahit. Encore une fois, je m'épanouis. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, tu ne peux pas la néantir. La vie est belle, j'y crois à moi. Petit papillon jaune.

On va rester sur le même thème, hein, variation sur le même thème, avec tout simplement « Sans regret, sans remords » de Jeremy and the Delicious Hound, qui vont représenter le Manitoba à Music West, une espèce de grande rencontre musicale dans l'Ouest canadien. C'est eux qui vont représenter le Manitoba, donc ça, c'est merveilleux. Et par la suite, on va entendre « Drôle de monsieur » de Mireille Moquin et « Post-it », justement, « Post-it » de Ariane Marie Clemire. Ça, c'est un nouvel extrait aussi qui vient d'être lancé tout récemment. Mais pour l'instant, on y va avec « Postscript ». Voici une très belle chanson, premier extrait d'un futur EP qui devrait sortir là, très, très bientôt. On va mettre un homme là-dessus à savoir quand exactement. Voici « Vive sans regret ». Savais-tu que notre amour était parfait, comme la terre et le ciel on était, toujours au point de franchir l'horizon. Comprends-tu qu'on était à changer, à jamais ce moment est parti, comme la qui s'échappe d'un ballon. Vis sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Le temps, l'énergie, le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines. Que tu veux est possible, comme si chaque étoile illumine ton chemin. Vis sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Le temps, l'énergie, le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines. Vis sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Tout donné. Maintenant j'en ai assez. On a tout essayé, mais l'heure a sonné. mort. C'est par habitude qu'on est ensemble. Mais y'a plus grand chose qui nous garde ensemble. Le bonheur est sorti de la maison. Il ne reste que nous deux. On a tout essayé, mais l'heure a sonné. On se laisse sans regret. On se laisse sans remords. Tout sera mieux comme ça. Ne t'inquiète pas. On sera plus heureux comme ça. Comme ça. Posées sur un lit de miroir, nos empreintes d'un